Parmi les 50 petits poèmes en prose rassemblés dans le Spleen de Paris et publiés en 1869, j'en ai choisi la moitié avec les quelques phrases qui suivent tirées de la dédicace à Arsène Houssaye.